إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Non, donc on commence aujourd'hui le cours numéro 15 et inshallah c'est le dernier cours de tafsir sourate al-hujurat. Et donc je voulais pas laisser le Ramadan se terminer avant d'avoir complété le tafsir de sourate al-hujurat, et donc il nous reste deux versets à expliquer, et donc inshallah c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui bi'ithnillah. Donc le cheikh, il commence et il explique donc aujourd'hui on va faire le verset 17 et 18. Le verset 17, le cheikh il commence, il cite ce verset et dit قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ. Donc le verset 16, قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وهذا إنكار لقول الذين قالوا يعني أتعلمون الله بدينكم، أتعلمون الله بأنكم آمنتم وهو عليم بكل شيء، أتعلمون الله بمعنى تخبرون الله، وليس المراد أن ترفعوا جهله عن حالكم فهو يعلم حالكم، فهو يعلم حالهم عز وجل ويعلم أنهم مؤمنون أو غير مؤمنين، لكن تعلمون هنا بمعنى تخبرون، وليس معناه أن ترفع الجهل عن الله عز وجل، لأن الله ليس جاهلا بحالهم بل هو عالم. أتعلمون الله بدينكم حينما قلتم آمنا والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ومنها أي ما في السماوات وما في الأرض حالكم إن كنتم مؤمنين أو غير مؤمنين. Donc le cheikh il commence avec l'explication du verset. Il dit, le verset 16 dit: est-ce que vous apprendrez à Allah votre religion alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omniscient? Il te rappelle leur conversion. Donc on va aller à cette explication du premier verset 16. Dit: est-ce que vous apprendrez à Allah votre religion alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre? Et donc le cheikh explique que ça c'est comme une sorte de blâme qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à propos de ceux qui ont dit: nous croyons, nous avons la foi. Et il dit, c'est-à-dire, allez-vous apprendre à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens, allez-vous l'informer, allez-vous l'informer? Et il dit, c'est pas dans le sens d'apprendre à Allah, dans le sens d'enlever son ignorance de votre état, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'omniscient, celui qui connaît tout. Donc il n'y a rien qu'il ignore. Et donc c'est pas dans le sens d'enlever une ignorance que Allah aurait de votre état, mais plutôt Allah subhanahu wa ta'ala connaît votre état. Mais c'est dans le sens, voulez-vous informer Allah subhanahu wa ta'ala de votre foi? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc lorsque vous avez dit nous croyons, est-ce que vous pensez que vous allez apprendre quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala alors que c'est lui qui connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre? Et il dit wa minha ay ma fi as-samawati wa ma fi al-ard halakum in kuntum mu'minin aw ghayr mu'minin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et parmi les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, il y a votre situation et votre état, c'est-à-dire est-ce que vous êtes croyant ou non croyant. وفي هذه الآية إشارة إلى أن النطق بالنية في العبادات منكر لأن الإنسان الذي يقول أريد أن أصلي يعلم الله سبحانه وتعالى بما يريد من العمل والله يعلم والذي يقول أريد أن أصوم كذلك والذي يقول نويت أن أتصدق كذلك والذي يقول نويت أن أحج كذلك أيضا ولهذا لا يصن النطق بالنية في العبادات كلها لا في الحج ولا في الصدقة ولا في الصوم ولا في الوضوء ولا الصلاة ولا في غير ذلك لأن النية محلها القلب والله عالم بذلك لا حاجة إلى أن تخبر الله بها والله بكل شيء عليم. Donc le cheikh, il explique, lorsque, par exemple, il dit dans ce verset, il y a une indication que lorsque on fait une adoration, eh bien on ne doit pas prononcer l'intention. Il dit ça, c'est, qu'est-ce qui est mentionné dans ce verset, ça indique que lorsqu'on fait une adoration quelconque, on n'a pas à mentionner à haute voix notre intention. Par exemple, on n'a pas besoin de dire... j'ai l'intention de prier, ou j'ai l'intention de faire une sadaqa, ou j'ai l'intention de jeûner, ou j'ai l'intention de faire le hajj, ou des choses de ce genre. Tu n'as pas besoin de le mentionner au moment de faire l'adoration en question, puisque dans toutes les adorations que tu fais, eh bien l'intention c'est dans le cœur. Donc tu n'as pas besoin de dire j'ai l'intention de faire le hajj ou la sadaqa ou le jeûne ou le wudu ou la salat ou autre, parce que ton intention c'est dans ton cœur. Et Allah il sait ton intention dans ton cœur, donc tu n'as pas besoin de le mentionner à haute voix. Tu le dis en toi-même et c'est suffisant. Et donc tu n'as pas besoin d'informer Allah subhanahu wa ta'ala de cette intention-là. Il dit « Wallahu bi kulli shay'in alim » c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala connaît toute chose. فَمَا فِي السَّمَوَاتِ عَمْ وَمَا فِي الْأَرْضِ عَمْ فَكُلُّ شَيْءٍ يَعْلَمُهُ اللَّهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ لَنَا الْكَلَامِ مِرَارًا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ وَالَّتِي هِيَ مِنْ أَوْصَعِ صِفَاتِهِ جَلَّ وَعَلَى وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ خَفِيٌّ أَوْ بَيِّنٌ عَامٌ أَوْ خَاصٌ فهو عالم به جل وعلا. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance de toutes choses. Donc il y a rien, quand on dit tout ce qui est dans les cieux, ça c'est général, et tout ce qui est sur la terre, c'est général. Donc Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses. Et on a déjà mentionné des choses à propos de cet attribut, parmi les attributs d'Allah, qui est l'attribut de la science. Et c'est une des attributs les plus vastes et les plus larges. Et il dit donc dans le verset 16 à la fin Wallahu bi kulli shay'in alim, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a la science de toute chose, que ce soit caché ou clair, que ce soit général ou particulier ou spécifique. Allah subhanahu wa ta'ala a la science de toute chose. Maintenant le verset 17. Allah subhanahu wa ta'ala il dit يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. في هذه الآية تكررت أن ثلاث مرات أي يمنون عليك يا محمد بإسلامهم. وحذف الجملة مع أن. مضطرد كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: يمنون عليك أن أسلموا، أي بأن أسلموا، أي بإسلامهم، ويعني بذلك قوما أسلموا بدون قتال، فجعلوا يمنون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكرون له الفضائل ويقولون: نحن آمنا بك دون قتال، مع أن المصلحة لهم. ولهذا قال الله تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقوله بل الله يمن عليكم هذا إضراب لإبطال ما سبق، أي ليس لكم منا على الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلامكم، بل المنة لله عز وجل عليكم أن هداكم للإيمان. ولا شك أن هذا أعظم منة، أن يمن الله على العبد بالهداية إلى الإيمان، مع أن الله أضل كثيرا من الأمة عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كل 1999 كلهم في النار وواحدا في الجنة. Donc le cheikh explique que, yani, comme c'est mentionné dans le verset 17, ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dit, ne rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. Non, c'est au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Et donc le cheikh il explique que, en commençant, que dans ce verset il y a l'article an qui est mentionné 3 fois. Et donc il dit, il mentionne ça, puis ensuite il dit que yamunnuna alayka an aslamu. An aslamu, c'est-à-dire ils veulent te mentionner leur islam comme si c'était une faveur de leur part envers toi. Hein? Comme si leur conversion à l'islam, c'était une faveur qu'ils t'avaient faite. Et la mention de ça, c'était par rapport à un peuple, hein, ou une tribu, ou des gens qui s'étaient convertis à l'islam sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait eu à les combattre pour qu'ils se convertissent. Donc ils se sont convertis de leur propre gré et par eux-mêmes. Et donc, à chaque fois ils rappelaient au messager d'Allah leur mérite en disant: nous avons cru en toi sans combat, sans que ce soit par un combat et sans que ce soit pour yani, que ce soit quelque chose que yani, du fait que on s'est converti par nous-mêmes, d'accord. Donc comme si ça c'était une faveur qu'ils avaient fait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois qu'il voulait quelque chose ou qu'il disait quelque chose, hein, tu sais, on s'est converti à ta religion, on a accepté l'islam, hein, tu vois, on s'est converti de notre propre gré, et des choses de ce genre. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu par ce verset. Hein, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas vous qui avez fait une faveur au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a fait la faveur de vous guider à la foi, de vous avoir guidé à la foi. Et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu de cette façon. C'est pour leur dire, hein, que vous n'avez pas de faveur, hein, vous n'avez pas fait une faveur au messager d'Allah en vous convertissant à l'islam. C'est uniquement le contraire en réalité, puisque c'est Allah qui vous a fait la faveur de vous guider à la foi si vous êtes véridique. Et il n'y a pas de doute que la plus grande grâce et la plus grande des faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire à un serviteur, c'est de l'avoir guidé à la foi, hein? Malgré que beaucoup de parmi les hommes sont égarés, hein? Beaucoup de parmi les hommes sont égarés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même mentionné que parmi les hommes, sur chaque 1000, il y en a 999 qui vont en enfer et un seul au paradis. Donc, si on a été guidé à la foi, eh bien, ça, c'est sans aucun doute une des plus grandes faveurs. Il dit, فَمَنْ وَفِقَ بِأَنْ فَمَنْ وَفِقَ بِأَنْ وَاحِدًا فِي الْجَنَّةِ فَإِنَّ هَذِهِ مِنَّةٌ عَظِيمَةٌ وَلِهَذَا كَانَ الْأَنصَارُ رضي الله عنهم حين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم قسم الغنائم غنائم حنين كلما ذكر إليهم شيئا قالوا الله ورسوله قال ألم أجدكم في ضلال فهداكم الله بي قالوا الله ورسوله أمنا قال ألم أجدكم في ضلال فهداكم الله بي قالوا الله ورسوله أمين قال ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي قالوا الله ورسوله أمين كلما ذكر شيئا قالوا الله ورسوله أمين فالمنة لله على كل من هداه الله بنعمه فالمنة لله عز وجل عليه وقوله إن كنتم صادقين أي إن كنتم من ذوي الصدق القائلين بالصدق فإن المنة لله عليكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. Donc le cheikh il dit, donc celui qui a eu le succès de faire partie de ceux qui rentrent au paradis et d'être ce 1 sur le 1000 de ceux qui vont en enfer, d'être le 1 sur les 1000, d'être de 1 du 1000, c'est-à-dire que les 999 autres vont en enfer, et bien ça c'est une grande faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit c'est pour ça que les Ansar, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a distribué les butins de la bataille de Hunayn, il leur a mentionné à chaque fois, n'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala vous a guidé de l'égarement par moi? Et ils ont dit, Allah et son messager est fiable et honnête. Et ils ont dit, n'est-ce pas que je vous ai trouvé divisé et que Allah par moi vous a réuni? Et ils disaient à chaque fois, Allah et son messager a été fiable et honnête. Et donc, chaque fois qu'il mentionnait quelque chose, il répétait ça. Et donc, c'est pour dire que c'est par la grâce et par la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala que on a été guidé à la foi. Et c'est par sa grâce qu'on est guidé à la foi et par sa faveur. Donc, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum sadiqin. Donc, vous devez reconnaître ce fait si vous êtes véridique. Si vous faites partie des gens qui dites la vérité. Et que c'est une grâce de la part d'Allah pour vous s'il vous a guidé à la foi. Ensuite, le verset 18. Inna Allah ya'lamu ghayb as-samawati wal-ard wallahu basirun bima ta'malun. Donc ça c'est le dernier verset qui est le verset 18. Allah connaît l'inconnaissable des cieux et de la terre et Allah est clairvoyant de ce que vous faites. Aynam. Donc le cheikh il explique, il dit que الله سبحانه وتعالى يقول الله أخبر الله في هذه الآية أنه يعلم كل ما غاب في السماوات والأرض وما ظهر فهو من باب أولى فأخبر عز وجل أن من جملة ما يعلمه عمل بني آدم ولهذا قال والله بصير بما تعملون وهذه الآية تفيد مسألة عظيمة في سلوك الإنسان وعمله وهي أن يعلم بأن الله تعالى بصير بعلمه محيط به فيخشى الله ويتقي وفيها الترغيب في الأعمال الصالحة فإنها لن تضيع وفيها الترهيب من العمل السيء لأن العبد سيجازى عليه لأن الكل معلوم عند الله عز وجل نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالهداية. Non. Donc le cheikh il complète le tafsir de ce verset, de cette sourate, en expliquant le dernier des versets de la sourate qui dit « Et certes Allah a un, yani, il connaît l'invisible ou l'inconnaissable des cieux et de la terre, et Allah est certes hein, voyant de ce que vous faites. » Allah hein, voit certes ce que vous faites. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, donc il nous informe que il connaît tout ce qui est caché dans les cieux et sur la terre, et encore plus ce qui est apparent. Et il dit que, c'est-à-dire que si c'est quelque chose d'apparent, hein, c'est-à-dire il connaît qu'est-ce qui est caché, donc ce qui est apparent, c'est encore plus hein, clair qu'il le sait. Et il dit qu'il nous informe que parmi les choses qu'il connaît, il y a les actions des fils d'Adam. Il y a les actions des fils d'Adam, c'est-à-dire les êtres humains. Et il dit ici que, il dit ensuite, Wallahu basirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit clairement ce que vous faites. Et le cheikh, il dit que dans ce verset-là, ça indique et ça nous fait comprendre une grande chose, une chose très importante qui a rapport avec le comportement et les actions de l'homme. Et c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il voit nos actions et il les enveloppe de par sa science. C'est-à-dire il connaît tout ce qu'on fait. Et donc, celui qui est conscient que Allah subhanahu wa ta'ala le voit et il sait ce qu'il fait, eh bien entendu, il va craindre Allah hein, et il va prendre une protection contre le châtiment d'Allah en faisant ce que Allah ordonne et en s'écartant de ce que Allah a interdit. Et donc, il y a dans ce verset et dans la mention de ces attributs d'Allah quelque chose qui nous incite à faire les bonnes œuvres pour que elles ne soient pas perdues, hein, pour qu'elles ne soient pas perdues. Et il y a également quelque chose qui nous fait craindre de faire des péchés, puisque le serviteur va être hein, rétribué selon ce qu'il a fait. Et donc, yani, étant donné que tout est connu par Allah et que Allah sait tout, eh bien, il faut justement essayer de le craindre encore plus et d'avoir encore plus de piété. Et on demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire la faveur de nous guider et de nous donner le succès dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et donc ça, c'est ce qui vient conclure le tafsir de Sourate Al-Hujurat. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Et donc, étant donné que aujourd'hui on a confirmé que demain sera le jour de Eid, ça a été déclaré, donc Alhamdulillah, c'est notre dernier cours pour le mois de Ramadan. Mais Inch'Allah, même si on n'a pas pu lire tout le volume de tafsir de toutes les sourates qu'on avait mentionnées au début, on va continuer ce tafsir Inch'Allah au courant de l'année pour essayer de comprendre un peu plus la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on espère que ça nous a été bénéfique. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.